Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Aujourd'hui, direction le terrain. Nous sommes à Lussot-sur-Loire pour une opération un peu particulière organisée par France Travail et le club de rugby de l'Ovale de Loire, le Stade vers l'emploi. Un événement qui propose de recruter autrement, sans CV et parfois même sans savoir qui est qui. Des ballons qui circulent, des équipes qui s'encouragent et pourtant ici il ne s'agit pas seulement de sport. Le principe est simple, candidats et recruteurs se retrouvent le matin sur le terrain pour participer ensemble à des ateliers sportifs sans se présenter ni évoquer leur métier ou même leur statut. Tout le monde joue sous un prénom, l'objectif est de mettre en avant des qualités humaines comme l'esprit d'équipe, la communication ou la capacité d'adaptation. Une manière originale donc de casser les codes du recrutement traditionnel et de favoriser des échanges plus naturels. Je suis aux côtés de Morgane Poilerat, conseillère France Travail Pro. Morgane, on avait présenté cet événement ensemble dans le MAG. Concrètement, comment se déroule cette journée à Lussot-sur-Loire ? Bonjour Marlène, donc aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est à Lussot avec 80 participants. On a également 17 entreprises qui sont venues. On est dans la bonne ambiance, il fait beau, en plus on a la chance d'avoir le soleil avec nous. C'est top. Qu'est-ce que le sport permet de révéler chez les candidats que l'on ne voit pas forcément dans un CV ou un entretien classique ? Le sport va permettre de révéler déjà l'esprit d'équipe. Donc tout ce qui va être savoir-être des candidats, donc tout ce qui est entraide par exemple, solidarité, communication, comme tu l'as dit tout à l'heure. Super. Eh bien on va aller poser quelques questions à ton directeur. Allez, on va aller le chercher. C'est parti. Et on l'a trouvé, il est là, Sébastien Darner, directeur de l'agence France Travail d'Amboise. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors pourquoi France Travail mise-t-il aujourd'hui sur des formats de recrutement innovants comme ce stade vers l'emploi ? Alors pour nous, c'est important de permettre aux candidats, aux entreprises de se rencontrer différemment. L'idée, c'est de casser un peu les codes, de casser les représentations, de permettre à chacun aussi d'avoir une rencontre avant de parler de travail sur un terrain de sport, ce qui permet, là on le voit, ils font des accolades, ils se félicitent entre eux sans savoir qui est qui. Et l'après-midi, quand on va faire tomber les masques, ils pourront échanger beaucoup plus facilement. Hein. Ça permet vraiment de briser la glace et d'échanger très naturellement sur les aspirations des candidats d'un côté et sur les besoins en compétences d'entreprise de l'autre. Donc c'est ce qu'on recherche nous dans nos animations parce qu'on essaye d'organiser une centaine d'événements dans l'année et certains événements doivent se démarquer aussi pour justement trouver d'autres solutions de recrutement. Par exemple, il y a quoi comme autre type de dispositif innovant ? Alors là, aujourd'hui, on est sur le thème du sport, mais demain, on envisage sur ce territoire d'utiliser d'autres formules, type escape game, type expression artistique aussi. Donc ce sont des sujets qui seront apportés par d'autres partenaires, pas forcément portés par France Travail, puisqu'il faut savoir qu'on est mobilisé à plusieurs sur ce type d'action. Tout le réseau pour l'emploi est mobilisé. Là, aujourd'hui, vous avez aussi des membres de l'émission locale, de Cap Emploi, qui sont présents aussi pour organiser ce type d'événement et notamment pour faire venir des candidats. Alors, on a bien compris que l'idée de casser les barrières est très présente. Est-ce que ça fonctionne réellement, justement, ce type d'événement ? Oui, tout à fait. Nous, ce qui compte, surtout cette année, c'est de faire des actions qui ont vraiment un impact. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'organiser des événements et ensuite de mesurer quel impact il a eu sur le parcours des demandeurs d'emploi, combien d'entretiens ils ont pu passer, combien d'entre eux ont pu être pris sur une formation peut-être préalable à l'embauche, combien sont recrutés. On a de nombreux éléments de mesure qui nous permettent justement de suivre la performance de ces événements. Super. Un petit mot sur l'ambiance, même si Morgane l'a fait au préalable. Ah ben là, pour ma part, je suis très satisfait. Je suis juste frustré de ne pas pouvoir participer à cause d'une vilaine blessure. Mais là, quand je vois des candidats qui se prennent par le bras, qui chantent et en même temps qui font du sport, je trouve ça formidable. Vous pourrez peut-être participer sur une prochaine édition sur le théâtre, par exemple. Ben évidemment, c'est prévu. Merci beaucoup Sébastien Darner, je rappelle que vous êtes directeur de l'agence France Travail d'Amboise. Merci également à Morgane Poilerat, conseillère France Travail Pro. Et à suivre, on va essayer de trouver des participants. Alors, nous sommes là avec deux participantes à ce stade vers l'emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter par vos prénoms ? Je m'appelle Chloé. Morissette. Alors, vous êtes toutes les deux en recherche d'emploi ? Voilà. Oui. Ok. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'être là ? Déjà, on s'amuse très bien au rugby. Et puis, on va essayer d'avoir un petit travail quand même. Mm-hmm. Voilà. Les échanges sont bons jusque-là ? Oui. On n'a vraiment aucune idée de qui pourrait être employeur ou en recherche d'emploi. Et je trouve que ça crée vraiment une cohésion qui amène du coup à un beau job dating. Super. Donc là, aucune idée de qui est qui là jusque-là. Peut-être entre participants et employeurs quand même. Non, même pas. On ne parle pas. On pense qu'au rugby. Voilà, c'est ça. Ok, bonne chance alors. Merci beaucoup, on est bien placés nous déjà je pense. Okay. Et on est fiers de nous les filles. Bravo Morissette, merci Chloé. Merci à vous. Et c'est une employeuse maintenant que nous avons au micro. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc moi, je suis Bénédicte Thiraud. Je suis la nouvelle responsable des ressources humaines pour l'hôtel Relais d'Amboise qui va ouvrir cet été. Super. Est-ce que ce type de rencontre informelle autour d'un sport, ça peut vraiment être décisif dans un choix de recrutement ? Oui, parce qu'en fait, on rencontre des personnalités avant de savoir et leurs compétences et leurs projets professionnels. Et ça crée vraiment une fédération sur notre équipe. La cohésion d'équipe, on l'observe bien lors de ces rencontres rugby, par exemple ? On l'observe, on la crée. Et par exemple, nous, on a des blessés dans l'équipe, on se relaie, c'est rigolo, c'est vraiment du bon temps. Et alors, quelques perspectives, peut-être ? Eh bien, j'aimerais bien. Oui. Après, c'est hyper difficile de savoir s'ils sont recruteurs ou candidats. Donc, et vu que le jeu, c'est de ne pas faire tomber le masque avant le timing, et ben, on est un peu sur la réserve, mais beaucoup dans l'observation. Allez savoir si certains représentants d'entreprise vont pas changer de travail. Après tout, pourquoi pas ? Qu'ils viennent nous rejoindre au Relais d'Amboise, moi, ça me va. Merci beaucoup, Bénédicte. Je vous en prie, avec plaisir. Le stade vers l'emploi, c'est aussi la présence de partenaires à l'image de Mes Entreprises S'Engagent. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, Caroline Fouchard, je coordonne le réseau Les Entreprises S'Engagent sur le département d'Indre-et-Loire. Alors, c'est quoi Les Entreprises S'Engagent ? Alors, Les Entreprises S'Engagent, c'est une communauté d'entreprises engagées, comme ça se dit tout simplement. L'objectif, en fait, c'est de fédérer, sensibiliser les entreprises autour des grands enjeux d'inclusion et d'insertion via l'emploi. Donc, toutes les thématiques qui sont liées à l'emploi sur des publics un peu particuliers et sur lesquels les entreprises peuvent avoir besoin d'être accompagnées pour recruter plus efficacement et aller vers des personnes sur lesquelles elles n'auraient pas été forcément au départ. Donc un événement comme celui-là, c'est l'occasion de tisser la toile un petit peu, de prendre des nouveaux contacts, de rencontrer d'autres partenaires ? Oui, tout à fait. Puis ça permet aussi aux entreprises qui souhaitent aller rencontrer des publics différemment et de le faire via le sport. En fait. Et pour ça, en fait, on a un partenaire privilégié de France Travail avec qui on travaille vraiment en collaboration tout au long de l'année sur toutes ces actions de recrutement. Très bien. Et ça se passe bien ? Ça se passe très bien. J'adore travailler avec France Travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Mes Entreprises S'Engagent, mais aussi Cap Emploi. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Marjorie Cornet, conseillère Cap Emploi sur le bassin d'Amboise, Bléré, Château-Renaud. Alors Cap Emploi, là on est sur l'insertion des personnes avec des handicaps, c'est ça ? Exactement, on est sur un accompagnement de personnes en situation de handicap, tout à fait. Et là aujourd'hui, il y a des demandeurs d'emploi accompagnés par Cap Emploi qui participent ? Oui, tout à fait, on a une dizaine de personnes aujourd'hui qui effectivement sont venues et qui ont eu une RQTH. C'est quoi votre regard sur ce type de dispositif qui permet de peut-être trouver un travail grâce à ce levier qu'est le sport ? Eh bien, ça permet de recruter autrement et que les employeurs et les candidats se rencontrent sans préjugés. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on bouge, on bouge. Allez, Benjamin ! Il a touché une main, il a touché. Allez, allez, on va ! Go, go, go, go, go ! Oui ! Oui ! Allez ! Allez, oui ! Et à présent, nous sommes avec Cyril Le Bourlès, qui est président de l'Oval de Loire Rugby. Bonjour Cyril. Bonjour. Donc le rugby, c'est le sport d'équipe par excellence, on peut le dire. Il n'y a pas plus collectif que le rugby. Ah voilà. Qu'est-ce que justement ça peut apporter comme atout pour un employeur qui regarde, qui participe à ce type d'événement ? Un des premiers atouts de ce genre de manifestation pour l'employeur, c'est déjà voir quelle personne va pouvoir passer par-dessus ses difficultés physiques grâce à son mental pour avancer, et puis lesquels d'entre eux sont les plus collectifs, on va dire, et vont respecter l'esprit d'équipe plutôt que l'esprit individuel. Donc s'intégrer davantage dans une équipe professionnelle derrière. Et pour le club, ça représente quoi de s'inscrire comme partenaire de cet événement-là ? C'est dans l'ADN du club aussi de toujours être partenaire de tout ce qui se peut se faire au niveau entraide, que ce soit social, comme les actions qu'on a pu faire dans le passé, notamment à la Verrie à Amboise ou à Malétrenne régulièrement. Voilà, on s'inscrit toujours dans des actions qui peuvent aider les autres à avancer dans la vie au mieux. Quoi. Et bravo de le faire. On en est assez fiers. Puis fiers de voir le nombre de bénévoles qui s'y donnent pour aider des personnes qui viennent d'autres milieux et pourquoi pas nous rejoindre au rugby un jour. L'appel est lancé. Merci beaucoup voilà. Cyril. Merci à vous. Voilà donc pour ce reportage sur le stade vers l'emploi au stade de Lussot-sur-Loire. Ce dispositif de recrutement innovant qui se développe de plus en plus et affiche des résultats encourageants. Plusieurs participants retrouvent un emploi dans les mois qui suivent leur participation. Et à Lussot, aujourd'hui, une chose est sûre, ici, une passe de rugby ou un esprit d'équipe peuvent parfois ouvrir la porte à un emploi. C'est la fin de ce mag, merci de nous avoir suivis et à demain 18h pour une nouvelle édition. Boy, mon nom, c'est Smokey, la rumeur gros.